Over to the Bobos. Over to the Bobos. Petit Bécos. Ah oui, c'est de l'actualité en plus. Soyons... Non, c'est pas là. C'est ici. Il y a quelques semaines, j'ai presque eu le temps de mourir où la plaque de glace et le dérapage errant. Ça, c'est mon improvisation de début d'émission. Donc, je dois vous expliquer un peu ce que tout ça doit enfermer. Donc, libérons les mots, libérons l'improvisation et surtout, plus tu le dis, c'est comme Alain Bachung. Oh, non, Daniel Boucher. Oh, yeah. Maison. Oh, yeah. Maison. Oh, yeah. Ça, c'est le côté vaudou. Ensorceler et surtout entrer en transe. Oh, à force de répéter. Oh, yeah. Maison. Oh, yeah. Là, le gars, oh, il va dire maison de la mayonnaise. Pas de longue, hein? Non, c'est de la mayonnaise. Semaine dernière, l'histoire de la mayonnaise. Hein? Ça fait 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Bon, il t'en reste encore de la mayonnaise. OK. Bon, il y a quelques semaines, j'ai presque pris le temps de mourir. Ou, si vous voulez, la plaque de glace et le dérapage errant. Le dérapage errant... En voulant circuler, il y avait une de ces plaques de glace. Imaginez, mettez-en. Ben, moi, hein, à Errance Renadienne, il faut en placer de l'imagination. Là, tu sais, en fin de soirée, il est minuit et 7. On n'a pas toujours le goût là, de se faire des images. Puis là, on aimerait ça être devant la télé, la télécom, puis changer les boutons. Hein, c'est bon. Hein, des éléphants, c'est moi, des éléphants, c'est gros. Hein. Imaginez-vous, moi, j'ai une télévision 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et une petite chambre, moi, de 3 pouces et quart par 3 pouces et quart. Puis je mesure 1 cm par 1 cm. Là, je suis tout petit, oui. Moi, à côté d'un poids vert, aïe, aïe, d'or, j'ai du bédard. Il y a 2 poids. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais en plein milieu de 2 poids verts qui voulaient s'affronter, un peu comme dans la boxe. Vous savez comment c'est innocent, les poids verts? Pas plus innocent qu'un poids vert? 2 poids verts. Hey, 2 poids verts, ça, c'est con. Ah, c'est là, à 3, le partait pogué. Hein, ça se purjute dessus. Du jus de poids vert. Avez-vous déjà été attaqué par du jus de poids vert? Madame, non? Ah, moi, souvent. Surtout le vendredi à 2h15 du matin. Ah, oh, ça m'attaque. Le poids vert m'attaque. Ah, oh, je me fais poursuivre par un poids vert. Quand ça va pas très bien, c'est 2, 3, 4. Des fois, la meute de poids. Savez-vous comment ça prend de poids vert pour faire une meute? Hein? C'est pas écrit dans les encyclopédies, ça. Là. Pas à l'université, vous apprenez ça, tabarnouche, là. C'est sur le tas. C'est le tas de poids verts que tu dis « Hey, mon Dieu, il y a combien de poids verts? Je me sens comme perturbé! » Et puis, attendez pas que ces petits poids verts-là vous travaillent. Là. Les poids verts me travaillent. Là, tu savais même pas que des endroits de ton corps pouvaient être intéressés par des entrées de poids verts. Hein? OK, on se calme le poids vert. Bon, imaginez-vous, c'est ça, là. Ça prend juste une plaque de glace pour faire déraper un errant rénalien. J'ai la langue remplie de poids. Je m'en vais au travail. Toujours le maudit scooter. Ben oui, ben c'est l'été qui connaît le printemps, là. C'est toujours les histoires de scooter. Ben, mes aventures. Heureusement, j'ai pas une bagnole, moi. Là. 1972. Écoute-moi ça. Ça part. Non, moi, c'est un scooter électrique. Pas de bruit. Absolument rien. Juste le vent. Tu roules. Il pleut. Des poids verts. Attaque de poids verts. Heureusement, j'ai un casque. Parce qu'à travers des pois verts bien ordinaires, tu sais, des juteux, là, on connaît des restaurants où c'est pas comme ça. Là, on ne les nommera pas. Il y a des cuisiniers qui font de la bouffe avec n'importe quoi. On les nommera pas non plus. On devrait faire déguster. Moi, je suis le professionnel là-dedans, moi. Là. Je le connais, moi. Pas le cuisinier, mais le pois vert. Et quand des fois, tu te demandes, c'est, hein? Bon, on n'ira pas plus loin là-dessus. En tout cas, regardez, là. Regardez-moi à la radio. Regardez, approchez-vous, là. OK, près du haut-parleur. Si vous êtes dans votre véhicule, là, stationnez-vous. OK, regardez votre haut-parleur. Ben, il est en arrière, alors ouvrez la porte, faites attention au véhicule qui pourrait foncer dans votre porte, hein, parce que moi, je suis pas tributaire de vos gaffes, voilà, là. Déjà assez pas conscient de ma vie, menez-vous la vie des autres. Fait que faites attention, hein. Regardez par le rétro, il n'y a pas de voiture, ouvrez la porte, dirigez-vous à l'arrière, un peu comme, hein, tu sais, quand on va voir des films là, à l'extérieur, là, c'est des écrans géants. Là. Oh, que c'est. Ouais, on amène toujours la petite fille qu'on veut bien cajoler. Là. Puis surtout dans une voiture, il fait noir, il y a la radio. Puis c'est malheureusement pas sécurisé, mais c'est le film. Puis des fois, on aimerait ça mettre, hein? Mettre ça à l'émission. Notre émission préférée à CKRL, c'est. Les matins éphémères! Mais là, je sais, vous allez dire, oui, à cette heure-là, là, il est 22h, là. C'est les matins de 22h, c'est... qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais en reprise! Téléchargez! Hey, moi, ça fait 45 ans que je charge! Téléchargez! C'est si bon, la chargéon! La chargéon? C'est pas la corde... Non, je connais ça, moi, là. C'est la chargéon. La chargée, donc. La grosse tabala, c'est la chargéon. La chargée, donc. La chargée, yahweh. Parce qu'il faut toujours te sourire quand tu joues de l'accordéon. Ouais, je viens de tuer le. Je sais. C'est la chargéon. Il faut avoir toujours le sourire quand on joue de la chargéon. La chargéon. La chargéon. Comme s'il y avait quelqu'un qui jouait en arrière. Continue! Ouais, l'histoire du scoumin. Et puis, je me dirige vers le travail. Conscient! Que je pourrais me casser à elle. Puisque c'est. Je l'ai sorti un peu tôt. 3 avril. Est-ce que c'est 3 avril, madame? On va regarder. Avez-vous le temps? On va vérifier. J'ai mis ça sur mon cellulaire, calendrier, affichage. Le 6. J'ai sorti ça le 6 avril. Donc, le 7. Le 6, j'ai dérapé 3-4 fois, mais juste le derrière de ma roue. Je dois dire de ma roue parce que les gens disent, ben ouais, alors, on sait, t'as un gros passement. Une belle postérité t'attend, mon champion. Continuus prépus. Bon, et puis là, le dernier me jouait un peu, là. Puis là, voyons donc, on n'est pas vendredi. Hein? Ouais, normalement, c'est ce temps-là que moi, ça me joue là-dedans, vous le vendrez. En tout cas, ça, c'est ma vie privée, mais. Non, oui. Ouais, parce que toute la semaine, je suis constipé. Oh, mon Dieu, constipé. Oui, je me suis dit, pourquoi pas dans ma salle d'aisance, hein, placer des photos de toute la hiérarchie de mon entreprise, ça pourrait m'aider à faire du bien à mon gros tête. Je suis atteint. Oui, le grand atteint des pestins. Mais. Le tétin. Le chat. Petit pétin. Gros pétin. En tout cas. Celui qui fait. Tu sais, qui gorlotte, là, quand t'es à l'église, puis c'est silencieux. Ah, mon âme, c'est vrai, c'est dans mon âme. Là, t'entends. Oh non, c'est mon pépestin. Pépestin. Et donc, là, je me dirige vers le travail, toujours sur mon scooter. Et là, je passe en dessous du viaduc. Je vois une plaque. me suis dit, ça doit être de l'eau. Là. On ne sait pas si c'est gelé, pas gelé. Mais je me suis dit, on va me laisser une chance, là, semi-gelé, 50%. Je passe dessus, mais déjà, lorsque la première roue, parce qu'il y a deux roues, avant-arrière, non, mais si les gens ne connaissent pas les véhicules motorisés à deux roues, il y a deux roues. Motorisé à deux roues, trois roues, pas compliqué, quatre roues. Après, là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Là. Mais en tout cas, moi, c'est deux roues. Et là, lorsque j'emprunte la flaque, là, je vois bien, là, qu'elle est gelée. Là, je me dis, tout mon véhicule passera là-dessus. Advienne que pourra, je n'applique pas les freins, parce que si je freine, ça risque d'être pire. Alors donc, je me laisse aller. Et là, je sens que toujours le derrière, comme le vendredi, le derrière glisse tranquillement. Je dis, oh non, je m'en vais. Là, je regarde avant de glisser dans mon rétro. Ça se fait, là. Écoutez, il faut être professionnel comme moi, là. Moi, j'ai du Steve McQueen dans les veines. Dans les veines. Pas, malheureusement, au niveau physiologique, je ne ressemble pas à Steve McQueen. Ni à une drag queen, madame. Non. Je ressemble à pas grand-chose. Le never been after been. Moi, c'est never been after been. Been after been, so the need, I miss you. Cry and cry. OK. Et puis donc, je sens que je cherche à me coucher. Puis je m'endormais pas. M'endors jamais. Moi, j'étais insomniaque. J'ai les oreilles rondes, puis les yeux rondes, et puis je ronronne comme un petit poisson. Et là, ça glisse, ma petite championne. Ça glisse. Là, je dis. Je regarde par mon rétroviseur avant que je sois à l'horizon. J'étais, disons, à 15 degrés avant de glisser. Pas beaucoup, 15 degrés, là, OK? Dans le rétro, il n'y avait aucune voiture. J'ai dit, tu te laisses aller, tu vas vivre le plus bel instant de ta vie. Non, mais moi, je suis comme ça. Je suis dans l'action, 500% extrémiste, là. Puis au pire, on viendra me ramasser, là. Hein? Je donne tous mes disques à CKRL. Et puis là, je glisse, là. Puis là, avec beaucoup de joie, là. On y va, on va souffrir. Et ça glisse. Là, ça fait... Là, le klaxon n'arrête pas de klaxonner. Le bouton était collé. Et là, j'entends au loin, parce qu'on était en dessous du viaduc, il y avait quelqu'un qui passait au-dessus du viaduc, une voix de jeune fille. Une jeune fille là, qui a vraiment là, été rock'n'roll. « Hey, ça va bien! » Oh, ça a une formation universitaire, elle, là. « Hey, ça va bien! » Juste « ça va bien! » Elle me dit « Hey, mec, ça va? » Ou « Est-ce que vous arrivez à parler, à chanter, à crier? » Non, c'est « Hey, ça va bien! » Je pensais que c'était Marjolaine Boisbert, la chanteuse de « Illégal ». Mais non, c'est, mais elle était beaucoup plus jeune. Divise l'âge de Marjolaine Boisbert en trois, là. Puis je sais que c'est pas Marjolaine Boisbert, mais je veux pas la nommer parce que je veux pas aller en cours, madame. Je sais que je viens de chanter « Illégal ». Mais non, « Illégal », ça peut être n'importe quel « Illégal ». Moi, je suis déjà « Illégal ». L'émission est « Illégal ». Tout est « Illégal » ici. Il y a rien de légal. La police entre ici, là, elle saisit tout. De la machine à m'essouffler qui... J'ai changé de moteur. J'ai mis un moteur de tondeuse. Ça pétille pas, moi, ça pète! Quand tu mets le maïs, ça fait... Pouf! Hey, la maison, le toit lève! Je reste dans un sous-sol, imagine. Le premier étage monte, le deuxième, et c'est la cheminée. Le Père Noël sort chaque année, le Père Noël sort avant le thème. Ma machine à maïs soufflée. Fait que je me laisse glisser, pas dans ma machine de maïs, mais sur la glace. Et là, j'entends la voix. Les gars, ça va bien. Là. J'essaie de trouver qui parle pour avoir l'air conscient dans mon inconscience, moi qui n'ai jamais conscient. Je veux pas vivre d'une manière consciente mon existence, moi, là. Mais là, pendant 15 secondes, ben après ça, tu retomberas dans ton coma, là. Fait que là, je regarde, « Oh, ça va bien, ça va! » Parce que moi, j'ai les grosses lunettes, j'ai la babouche qui est dans l'air, comme un boxeur. « Ça va bien! » Puis là, dit, « Vous êtes très mon évêque! »« Ah non, je suis bien gentil. Oh, ça va. Mais quand les gens vivront l'amour... » il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais tout, mon toutou sera mort, mon frère, mon toutou. Dans la chaîne, dans la nuit, mon toutou, lorsqu'il fallait que nous passions, tiens encore plus, mais pas ma poupée gonflable, mon toutou. Lorsqu'il fallait que nous soyons, nous aurons eu une mauvaise passée. Hein? On s'en va en calèche. Calèche, mais non, camelèche tranquille. Je ne veux rien savoir d'elle, moi. Hey, elle me dit, on va se rencontrer à 10h30. Il mouillait. Là, moi, à la fin de mon boulot, je me rends pour aller voir ma à l'hôpital. Avec mon scout, mon scout. Puis là, j'étais mouillé. Je dis, on va continuer, puis on ira la voir en fin d'avant-midi. Avec ma présumée amoureuse. Et là, j'arrive à la maison, je dis, on prendra pas de photos, voyons donc, toi, hey, on va être mouillé, trempé, détrempé. Fait que j'envoie des messages sur Facebook, on peut pas y aller, mon petit canari. Là, je dis, voyons donc, là, 15-20 minutes après, il était 9h30. Là, oh, là, je prends mon cellulaire, j'appelle. Ça tombe sur le répondeur. Allô, Sarah, allô? C'est, on peut pas. Il y a de la goutte dans l'air. Non, c'est pas ma goutte. Non, c'est. Moi, j'ai de la goutte, mais pas dans l'air. Non, c'est une audite. Non. Et puis, on peut pas prendre de photos. Pas de photos. Viens chez nous, on va faire du pop. Du pop, du main soufflé. J'ai des films à te présenter. Des beaux films, pas de budget. Les gens sont presque pas habillés. Pas parce que c'est des films cochons. Ils ont pas d'argent pour s'habiller. Ils sont pauvres. Ils vont mourir. Viens voir ça. C'est un malade. On va pas s'annexer à un voyons donc, toi. Ma vie était si déséquilibrée. Pas tu as tout équilibré. Hey, aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes le 24 avril. 24 avril, et c'est écrit petit, c'est l'éphéméride vendredi 24 avril, la fête à souhaiter le 24 avril, c'est la fête des fidèles, avec des F-I-D-E-L, fidèles, F-I-D-E-L, accent grave et le, ou, hey, mes lunettes, ou Fortuna. Bon, c'est le phase de la lune. Écoutez, premier croissant. Pas de beurre. Premier croissant. Prochaine phase, ça ne nous intéresse pas. Les éphémérites. Écoutez, après avoir consolidé des forteresses apaisées de conflits dans Mernesto, petit, je ne peux pas lire. Naissance de l'actrice américaine Barbara Streisand, le 24 avril 42. Ensuite de ça, Loulière et la surrangue, bon, c'est pas important ça. Fin de la conférence de Bambourg marquant la prise de conscience anticolonialiste des pays d'Afrique et d'Asie. Bravo les Africains. La Chine lance son premier satellite. Ils l'ont pas encore rattrapé. Et le décès de la duchesse de Windsor. La duchesse. Je pense que c'est la première duchesse du carnaval de Québec. Hein? La duchesse de Windsor, je ne sais pas. Oui, on me fait signe que oui. Non, on me fait signe que si je coupais la gorge, trancher le, mourir ainsi. OK. Alors, donc, avant de m'échapper à la mort, nous avons déjà trop parlé, malheureusement. C'est rare dans mon émission, c'est rare. Alors là, ce que je fais, là, c'est que je zappe. C'est une manière radiophonique, là, zapper. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Voluptés, les dames pas trop catholiques, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 24 avril, que c'est beau! En plus, je la passe avec Nina Safari. Ma nuit. Moi, je suis un chanceux. Pas vous autres! Mais je vais vous la faire connaître. Oh! Quelle voix, quelle chanteuse, quelle comédienne. En tout cas. En tout cas, tu peux pas comprendre. T'es pas marié, toi. Okay. Aujourd'hui, le vendredi 24 avril, donc c'est ça, je comprends trop, moi, parce que je suis pas marié, je comprends tout. J'ai pas d'ailleurs, moi, là. Hein? Voyons. C'est de la méchanceté dans l'air. Hein? Le vendredi 24 avril 2015, fin de semaine du... Hein? Voyons donc, toi, arrête, dérape pas trop. OK, 24 avril 2015, les errances canadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un... schème... symphonique, jouissif, imperméable à la mauvaise humeur. Hein, on devrait dire ça, hein, normalement, dans les autres émissions. Parce qu'on n'a pas pris ça en note. Et pour nous envelopper dans un narratif, unissons-nous, dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste Nina Savary. Nina Savary, chanteuse et comédienne, débute à la Scala de Milan à 5 ans. Elle n'a pas quitté la scène depuis. Enfant du grand Magic Circus. Ça, j'aime ça. Magic Circus, ça donne plein d'idées. Elle suit les tournées autour du monde, étudie le piano, le chant, la littérature américaine et se forme à la comédie et à la danse. En juillet 2014, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste chargé de talent, de calme, de douceur et de volupté. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter ici et laisser... la musique nous enchantait avant d'entendre cet ange venu du ciel. Oui, alors commençons maintenant! Crazy about my gal in Diddy Wong, Diddy Wong, Diddy Wong, Diddy Wong. This little gal's as sweet as she can be. Diddy Wong, Diddy, Diddy Wong. Thank you. thing you said is gonna call you liar. Voyez-vous balancer l'atome, dit la vidame, pas la vidome, d'une mélodie de Perona Panam, valse la dame et la vidome. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame, voyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vidame, de celui qui foule comme le font les roms, errance dame, errance d'homme. L'histoire des hommes qui se trament dans leur vie dame et d'homme, en somme de dame et d'homme. Je porte sur le dos, mémoire du talon de la cour Navancy à Monte Cassino. Développé chromose, mais t'es pas de môme, chemin de petit bonhomme. Mais si tu remontes le ton, diatonique passion, tu laisses des silences et d'autres diapasons. À faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça fait pour de bon. Comme va la vidame, va la vidome, c'est l'un de l'autre qui se donne. De la vidame à la vidome, soufflant sur la délicate petite flamme. Qu'est la vidame, qu'est la vidome. Du bout de tes doigts qui se paument, va ta vidame et d'homme. En somme, oye polygame, dans l'air des rhizomes, girole en boum, chant de sésame. Nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome, toutes les gammes du concert qui invite à des regards de môme. Si la vidame, si la vidome, c'est comme un air de palindrome. C'est la vidame et d'homme. En somme, de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italie, de la cour Navancy à Monte Cassino. Tu mets le pécromose, on n'était pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le ton, diatonique passion, tu laisses des silences et d'autres diapasons. Faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça fait pour de bon. Comme va la vidame, va la vidome, voyez-vous balancer l'atome, dit la vidame, va la vidome, d'une mélodie de Perona Panam, valse la dame et la vidome. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame, oyez polygame, dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est la vidame, de celui qui foule comme le font les roms, et vont se dame, et vont se dôme. Histoire des hommes qui se trament dans leur vidame d'homme. En somme, de dame et d'homme. Comme va la vidame, va la vidome, voyez-vous balancer l'atome, dit la vidame, va la vidome, d'une mélodie de Perona Panam, valse la dame et la vidome. Tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame, oyez polygame, dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vidame, de celui qui fonde comme le font les roms, et vont se dame, et vont se dame. Histoire des hommes qui se trament dans la vie d'un homme, en somme de dame et d'homme. Allô mon ami, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Excuse-moi. Ah, y'a pas de problème. Non, y'a aucun problème. J'ai eu des problèmes à me brancher, par contre, là, sur mon cellulaire, j'ai eu des problèmes pour me brancher avec mon portable et tout ça. Mais c'est pas grave, à l'hôtel où je suis, ça fonctionne pas. Parce que, en plus, j'ai attrapé une conjonctivite avec le ventilo trop près de moi. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Hey, mais je vais mettre mes verres fumés, c'est quoi. Mais, ouais, c'est ça, c'est que au premier étage de l'auberge de jeunesse, on prend rien. Ah ouais? C'est à partir du troisième étage. D'accord. Mais moi, je savais pas. Il faut changer d'étage. Ouais, ben, wow. Juste pour ça. Est-ce que je peux envoyer un courrier juste à Arthur H parce que je l'ai croisé ici? Bien sûr, 30 vas-y, secondes. Vas-y. OK. Thank you. connais-tu Arthur H? Oui. Oui, bien sûr. Okay. Je pensais pas qu'il y avait un enfant de 2 ans. Ben, il y en a plusieurs. Hein? Ouais, mais pas. Je croyais pas qu'il y en avait un nouveau qui dernier, était. Ouais. Ouais, c'est ça. Faire au moins 3 ou 4. Oui, 4. Alors, 4, mais avec des femmes différentes. C'est comme son père, en fait. Ben oui, ben. Qu'est-ce que, c'est quoi l'expression, donc? Les père, fils. Non, non, non. Les chats n'accouchent pas de. Oui, les chats font pas des chiens. Ah, ben voilà, c'est ça, oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que mieux vaut la première version que tu as sortie, là. C'est moins. J'en ai pour 30 secondes. Ah, bien sûr. Ouais, moi aussi, je vais me recommander. Toi, ça va bien sinon? Ouais. Pas si mal? Ouais. Ah, ouais. Bonjour. Bonjour, pardon. Tout va bien. Écoute, je veux bien un thé et un croissant. Très bien. Moi, je vais prendre un autre expresso. S'il vous plaît. Très bien. Merci. Bon, c'est presque terminé. Tu l'as vu passer ce matin, là? Non, hier, en arrivant, mais il me regardait, parce que je l'ai déjà rencontré à Québec à plusieurs reprises. Il m'a regardé, puis c'est comme si dans sa tête, hein? Comment ça, ce gars-là que je rencontre à Québec? Mais là, comme il est passé rapidement, puis moi, j'avais rencontré Gabriel Lazur, ouais. J'ai juste fait un sourire. Mm. Mais là, il est reparti. Puis là, je sais que dans sa tête, ça se brassait pas mal, ça se voyait. Il y avait un chapeau, ben le chapeau de, sur son Facebook. Là, il était... D'accord. Un chapeau melon. Très bien. Et une poussette. Ah, tu peux répondre, hein? Ah non, je ne peux pas répondre. Ah? C'est quelqu'un que je fuis. Ah, OK. Ah, ça, c'est moins drôle. Ça arrive, hein? Oui, oui, oui. Mais moi, avec mon cellulaire, je peux bloquer. Ah oui, oui, mais moi, c'est numéro masqué, je ne réponds pas au numéro ah, masqué. Ah, OK. Dans le doute, qui c'est? C'est toi qui les masques ou... Non, c'est eux. Il y a ah, des ouais. gens qui appellent en numéro masqué. Ah oui, nous... Alors, quand moi, je ne sais pas qui c'est, je oui, réponds pas. Nous, on appelle ça confidentiel. Voilà. Hein? Ah, mais ça, c'est pas bien, parce que tu fais un code avant de donner, avant ah, de voilà, rentrer le numéro 1, ouais. C'est ça. Mm. Bon, ben OK. Sinon, ça va? Ben, très bien, et oui, toi? Oui, très bien. Depuis quand tu es à Paris, alors? Depuis hier. Ah oui, tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Hier, je devais rencontrer 4 artistes, mais il y a eu confusion, j'en ai rencontré que 2. Ouais. Il y a Lola DeWare que je devais rencontrer, mais elle voulait que je lui envoie un courriel, mais comme je n'avais pas accès à Internet, moi je ne savais pas. Ah oui. Donc j'ai laissé mon cellulaire. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est tannant, la conjonctivite. Vas-y, vas-y. Okay. Si tu veux. Et donc, c'est ça, mais je dois la rencontrer d'ici samedi prochain. D'accord. Donc ça risque d'être. J'espère. Tu restes combien de temps? Toujours 8 jours. 8 jours? 8. 8, je repars samedi. Ah, c'est cool. Ouais, oui, c'est donc cool. T'enchaînes, mais tu moi, je n'arrêtes veux ça. Pas, quoi. Tu... Non. Mais j'ai toujours été concentré comme tu ça. Tu rentabilises à fond. Oui, mais en même temps, je suis comme ça aussi dans la vie. Je suis à 500%, je ne veux pas faire ça. Ouais, tu fais sur plein de choses en même temps. Oui, mmh. Oui. Puis peut-être qu'au bout du compte, quand je serai vieux, je serai épuisé. Mais pour le moment, ça va bien. Tant que tu tiens le coup, ça va? Oh, oui, c'est ça. Mais on ne sait jamais quand tout ça va flancher. Hein. La santé, on n'a pas... ça. Et en fait... Il faut se ménager des temps de repos. Oui. De temps en temps, faire oui. un break. Mais en tout cas, il faut savoir à quel moment. C'est ça que ça, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre et à saisir, même malgré mon âge avancé. Bon, et la vie, ça va? Oui, très bien, toi? Oui. Il y a des bien. Choses qui se sont passées depuis notre rencontre il y a 3 ans. Ah, oh, beaucoup, beaucoup. Ça fait un moment, oui, ça fait 3 ans que c'est dur. Oui. Donc... Et en fait, je t'ai envoyé un courriel il y a quelques semaines pour rencontrer ton père et tu m'as appris la triste nouvelle. Ben oui. Il était malade? Il est mort d'un cancer, mais ça a été assez foudroyant. OK. En un an à peine, voilà. Il était... Est-ce qu'il y avait des projets? plein, plein, bien sûr, bien sûr. Il a fait plein de spectacles, même l'année où il était malade. À Sacha ? Il a fait 4 mises en scène la dernière année. Parce qu'il voulait... Bah, il ne voulait jamais s'arrêter. Mais c'est plutôt bien, je trouve. Oui, mais après, lorsque le père n'est plus là, c'est la fille qui doit reprendre le flambeau. Oh, c'est plus compliqué que ça, mais c'est sûr qu'il y a, beaucoup non, mais, de choses à gérer. Ouais. Ouais, mais lui qui avait une compagnie, des compagnies. Il avait une compagnie qui existe toujours et sur laquelle je me suis pas mal investi. Ouais. Est-ce que tu peux me relater un peu l'histoire de ton père depuis les débuts, sa naissance jusqu'à... Oula, c'est complexe. Il est né en 1942 en Argentine, à Buenos Aires, d'une famille absurde, une mère américaine et une famille très riche qui avait rencontré un artiste complètement fou qui s'appelait Savary. J'ai avancé mon micro parce que je pense que... Ouais. Ok. Et donc elle a rencontré mon grand-père qui était un artiste anarchiste, alcoolique. Et un peu fou, ils ont fait le tour du monde et pendant la Deuxième Guerre, ils ont monté une communauté à Buenos Aires sur le modèle de Giono. Voilà, c'était les pré-beatniks en fait, même avant les beatniks. Et donc mon père est né là-bas et voilà, il a commencé à faire du théâtre dans la rue très jeune. C'est un enfant de là-bas. Complètement, ouais, il a fait ses armes en Argentine et puis à New York aussi où il a passé une partie de son adolescence. Il a fait les arts déco, il a commencé tout de suite en sortant des arts déco à faire du théâtre avec le mouvement Panique, Victor Garcia, Jodorowsky, Coppi, Arabal, etc. Voilà, puis après, à partir de là, il ne s'est jamais arrêté de travailler. Il a fait, je ne sais pas, plus de 150 mises en scène de tout style, opéra, cirque, musical, théâtre classique. Variété en général. Après, il est rentré dans l'institution dans les années 80. Il a eu la chance, grâce à Mitterrand, oui, d'être nommé dans des théâtres subventionnés. Il avait commencé à Montpellier, dans le sud de la France. Puis ensuite, il a été à Lyon, puis à Chaillot, théâtre de Chaillot, à Paris. Et toi, tu es né à quel endroit ? À l'Opéra Comique. Moi, je suis née à Paris. Ok. Je suis née à Paris, mais mon père disait qu'à l'âge de 3 ans, j'avais déjà fait 280 hôtels différents. C'est-à-dire qu'on faisait le tour du monde. Je suivais la troupe de mon père, qui s'appelait le Magic Circus. Et on voyageait dans toute l'Europe, et puis beaucoup aussi en Amérique latine, aux États-Unis, enfin un peu partout. Mais comment ton père a pu avoir une formation académique en changeant de ville, en changeant d'école? Si ton père allait à l'école, peut-être que c'est sa mère qui lui enseignait ou son père? Ah non, mon père, ses parents sont rentrés d'Argentine quand il avait 8 ans. Donc il a fait ses études en Ardèche, dans un petit village où sa mère avait un chalet à la montagne. Et il a été à l'école que jusqu'à 12 ans. À 12 ans, il a arrêté parce que l'école l'emmerdait. Jusqu'à 12 ans? Oui. Qu'est-ce qui reste, ben, qu'est-ce qui restait de ton père d'Argentin en lui? En fait, si tu veux, quand il a arrêté l'école, il est d'abord allé à Paris faire une école d'art. Ensuite, il est allé à New York. Il a obtenu une bourse pour aller à New York faire des études. Et puis plus tard, c'était la guerre d'Algérie. Donc quand il a été appelé pour partir à la guerre d'Algérie, il s'est rappelé qu'il était argentin, comme il était né à Buenos Aires. Donc il a fait la demande de nationalité pour échapper en fait à la guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, il est reparti en Argentine. Et donc il a fait son service militaire là-bas. Okay. Et ça l'avait beaucoup marqué parce que c'est complètement archaïque. Là-bas, c'était encore la garde hippomobile, tu vois. Donc ils étaient à cheval et tout. C'était vraiment à l'ancienne. C'est fou, ouais. Et il a passé un an là-bas, dans la Pampa. Ça l'a beaucoup marqué. Okay. Et donc après, il a entretenu un lien avec ce pays très fort toute sa vie, quoi. Straighten them out. Mais est-ce qu'il a pensé, avant d'apprendre cette nouvelle, là, quand même un an avant de nous quitter, d'écrire sa vie, d'écrire sa bio? Il a toujours écrit sa vie, de toute façon. Sa vie, donc besoin de le faire. Ok, mais toi, est-ce que tu te sens avec le flambeau de relater cette histoire-là, qui est une histoire quand même assez particulière? Oh, pour l'instant, non. Peut-être qu'un jour, j'en éprouverai le besoin, mais mon père l'a tellement fait déjà dans ses propres autobiographies, qui sont super. Sur scène ou sur papier? Il a sorti deux autobiographies en livre. Okay. Une qui s'appelle « La vie privée d'un magicien ordinaire ». Est-ce que c'est disponible encore aujourd'hui? Oui, okay. Bien sûr. Et une autre qui s'appelle « Ma vie commence à 20h30 ». Il a tout raconté lui-même, avec évidemment pas mal de fantaisie, parce qu'il déformait un peu l'histoire, comme tous les artistes. Ouais. Mais bon, il le fait tellement bien que je vois pas tellement le besoin, si tu veux, d'en rajouter. Après, il a fait un livre qui est super aussi, qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux du théâtre », dans une collection, je ne sais plus quel est l'éditeur, où il demande à des gens, sur un thème spécialisé, de faire un dictionnaire. Okay. Donc lui, il a fait son dictionnaire du théâtre, et c'est vrai que c'est super, il raconte toutes les anecdotes et tout ça. Ah, je comprends, ok, c'est plusieurs. Donc si tu veux, il a déjà laissé une œuvre suffisante, quoi. Moi, si je racontais la vie de quelqu'un un jour, ça serait plutôt la mienne. Oui, parce que la tienne est tout à fait particulière. Bah oui, dans son genre aussi, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Si mais as-tu remarqué, depuis le départ de ton père, as-tu remarqué un certain trou qu'il a laissé en nous quittant? Parce qu'il était un des seuls à travailler en troupe. Aujourd'hui, c'est de moins en moins comme ça, à part certains gypsies. C'est sûr qu'il était assez unique en son genre. Oui. C'est certain. Alors, il amène avec lui sa recette, sa façon de faire. De toute façon, il a beaucoup marqué, y compris la génération des jeunes, entre guillemets, branchés d'aujourd'hui, puisqu'on revient toujours à cet esprit des années 70, de fête. Ah, de plus en plus, oui. Voilà, donc, je pense qu'il a laissé beaucoup de choses et il a marqué beaucoup de gens et beaucoup de gens s'inspirent de lui, bien mais sûr. En résumé, Michel Fugain n'a rien inventé. Disons que ton père avait connu cette sauce. Ça a toujours existé, les saltimbanques, de toute époque. Donc, c'est vrai que c'est un métier un peu en voie de disparition. Mais toi, as-tu le goût de recréer ça? C'est le goût de troupe, le goût meilleur vendeur de Paris. Si tu veux recréer, il n'y a pas besoin de recréer, ça existe. Oui, mais veux-tu poursuivre ou au contraire? Bien sûr, continuer, oui, bien sûr. Mais j'ai vu que tu vendais certaines choses. En fait, là, je me suis occupée énormément de la compagnie depuis un an. Et on a fait un travail avec le costumier de mon père, qui travaille avec lui depuis 40 ans, qui a fait tous les costumes de tous ses spectacles, et qui est aussi comédien, qui s'appelle Michel Dussara. Est-ce qu'il habite Paris? Qui habite à Paris, okay. Oui. Et donc, on a passé des mois à trier un stock de plus de 5000 costumes que mon père avait conservé depuis 40 ans, si tu veux. C'était dans énorme. Dans un local. Okay. On a plusieurs ateliers de décors, en fait. C'est des ateliers de construction de décors qu'on a en banlieue parisienne. C'est fou. Et on avait du matériel partout, comme ça. On a aussi des décors qui sont dans des containers, dans un port dans le sud de la France, à Sète. Donc il a fallu d'abord se plonger dans tout ça pour prendre connaissance du stock, de l'inventaire, ce qu'il y avait, voilà, parce que c'était pas très bien entretenu et stocké d'une manière un peu anarchique. Ouais. Oh, anarchique, ben comme le... Parce qu'on a beaucoup déménagé, donc à chaque fois qu'on déménageait, on trimballait tout et on en perdait évidemment en cours de route et puis les choses se mélangeaient et tout ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé... les décors et les costumes de toutes ces mises en scène qui seraient susceptibles d'être reprises par la troupe, tu vois. Okay. Donc déjà ça a été un gros travail. Et ensuite, après avoir bien entendu gardé les choses qui pourraient nous servir dans nos futures créations, on a décidé de vendre tout ce qui ne nous était plus utile. Puisque, en fait, si tu veux, l'espace pour stocker, c'est très cher à Paris. Et on n'a plus les moyens parce qu'on était... du temps de mon père, on était subventionné par le ministère de la Culture. On avait une belle subvention qui nous permettait justement de louer des locaux, etc. Là, maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on rationalise tout ça parce qu'on a beaucoup moins de moyens. On a perdu les subventions. Et donc... On a perdu les subventions parce que le gouvernement actuel a coupé dans le... Parce que c'était lié, si tu veux, à l'activité de mon père. OK. Donc, en ayant plus d'activité. Voilà. Donc, les choses, aujourd'hui, s'organisent complètement différemment. Et donc, on s'est séparé d'une grande partie, effectivement, du stock en organisant des ventes avec plein de professionnels, de jeunes compagnies qui sont venus acheter des costumes. Il y a quelques semaines. Ça, il y a quelques semaines. On vient de finir, là, je suis encore en train de ranger les locaux, puisqu'on a des décors qui commencent à se construire. On a un char de 10 mètres qui arrive lundi. Vous partez ? Et il y a plusieurs spectacles qui repartent. Ouais. Il y a notamment des opéras, puisqu'en fait, ce qui est formidable avec l'opéra, c'est que c'est indémodable. Ça reste toujours classique, contrairement au musical qui peut parfois se démoder. Mais toi, tu retournes avec une des troupes ? Alors, en ce moment, je ne tourne pas, mais si tu veux, je me suis occupée de vendre certaines mises en scène de mon père, notamment justement les mises en scène d'opéra et d'opérette. Les droits d'auteur? Pas les droits d'auteur, parce qu'il n'est pas auteur de ses opéras. Ok, mais les mises en scène, c'est... Ouais. Si tu veux, les droits de mise en scène, et surtout le fait de reprendre ses spectacles à l'identique avec la troupe. C'est-à-dire qu'on remonte le spectacle avec les mêmes, pas comédiens, parce que ce sont des chanteurs lyriques. Okay. Mais avec la même équipe, chorégraphe, éclairagiste, décorateur, costumier, etc. Et c'est l'assistante de mon père de l'époque qui reprend sa mise en scène à l'identique. Voilà. En tournée dans des caravanes dans... Donc ça part à l'opéra. Ça part à l'opéra. Il y a plusieurs opéras en France qui reprennent ces mises en scène. Okay. Il y en a une en Suisse aussi. Il est question de faire entrer au répertoire certaines œuvres aussi en Bulgarie. Enfin, il y a des choses qui sont reprises en Allemagne, un peu partout. Une grande tournée. En tournée. Avec, voilà. Avec les mêmes comédiens. Avec l'équipe. Avec l'équipe. L'équipe de mon père complète. Et il y a celle-là. Et après, il y a plusieurs petits spectacles aussi de Jérôme qu'on va continuer à tourner, notamment celui que j'ai fait il y a 2 ans avec lui, La fille à marin. Oui, oui, oui, oui, oui. J'avais fait au Théâtre Rive Gauche. Mais toi, tu y joues. Continue à tourner aussi. Mais tu y joues, toi. Et là, je joue, on est 2 sur scène. C'est une fille et un marin. Alors, tu reprends. Et donc, je vais sûrement le reprendre. En tout cas, Entre autres, à Paris. En train de travailler dans cette direction. OK. À Paris? À Paris, je ne sais pas. Okay. Pour l'instant, si tu veux, ça a été tellement apocalyptique, son départ, que déjà, ça a été reprendre un petit peu toutes les productions, rassembler les choses et voilà, faire en sorte que les choses soient possibles. Maintenant, il y a déjà plusieurs contrats qu'on a signés, plusieurs qui sont en négociation. Voilà, ça recommence doucement à tourner. Et est-ce que c'est toi qui reprends le flambeau? Est-ce que c'est toi qui représentes ton père actuellement? Représenter, c'est un bien grand mot, parce que tu sais, on a une grande famille et une grande équipe. Donc, personne ne représente seul. Mais comme toi, tu es la fille, direct. Mon père, ma sœur fait de la mise en scène aussi. Disons que si tu veux, concrètement, c'est moi qui me suis occupée là de la compagnie depuis un an. OK. Mais à l'avenir, ce ne sera pas forcément le cas. Non, parce que toi, tu veux faire autre chose. Il fallait quand même assurer la transition, mais maintenant, l'idée, c'est de monter peut-être une nouvelle structure qui nous appartienne. Moins lourde. Avec un, voilà, plus légère, avec un bureau différent et où chacun aura une place importante, évidemment. Moi, je pense qu'avec ma sœur, on en assurera sûrement la direction artistique. Est-ce qu'elle est l'aînée? Non, c'est moi l'aînée. Ah, OK. Ouais. Okay. J'ai un frère aussi plus âgé. OK. Qui fait du cinéma. OK. Voilà. Donc, alors, vous êtes dans ce milieu-là, tout le monde... Tout le monde est un peu là-dedans. Ouais. OK. Ouais. Et pendant cette année-là, ça a été fou? Tu t'es pas trop arrêté? Est-ce que tu as des projets que tu as... J'ai quand même sorti mon album. Oui, oui, oui. Voilà, d'ailleurs, je te l'ai amené. Ah, mais j'ai la maquette. Ah ben oui, mais il faut que tu aies le vrai. Ah oui, oui, oui. Oui. Ça t'aura l'aider. Est-ce que le son a été modifié? Alors bien sûr, ouais, on a continué à mixer, à travailler. Il y a quelques morceaux qui ont été enregistrés en plus de ceux que je t'avais donnés, je pense. Et je vois aussi... Je ne sais plus ce que tu avais eu comme version. 12 pièces. Ouais, bah non, ça doit être à peu près la version finale que tu avais eue alors. Et ce qui est fabuleux dans cette... en tout cas, sur la maquette que j'ai eue... Voilà, ah, merci. La maquette que j'ai eue, c'est l'ambiance underground, c'est l'ambiance nocturne, c'est l'ambiance de Nick Cave, de PGRV, de Tom Wayne, c'est tous ces gens-là, mais à ta sauce. Ben, écoute, ouais... C'est-tu la musique que tu écoutes ou si c'est une musique que tu aimerais entendre un peu plus, mais qui n'est pas diffusée tant que ça dans les radios? Peut-être, ouais. Et puis c'était aussi une recherche personnelle à ce moment-là, si tu veux. J'avais envie d'expérimenter des choses dans mon home studio avec mes amis et d'aller dans des directions comme ça, un peu différentes et... Got blood rush to my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wristlet watch been top off. Dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, dim stop I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Massive minor laser, add with black cat fist on the razor stratus. Curb right before that flying. Don't wait for me if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs when I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there. Wasn't there, wasn't there. Nothing out there, can't stand solid. Hit the ball, sleep deprived, he drove the car. I'm still alive, up in smoke, moon is low. As you know, didn't say I did. Who's this, know what this is? But do you know? Got blood rush to my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wrist, they watch been top. I fly inside, I watch them big shots. Snip shots, hit better when he quick stop. So many ways to skin the frame. Remember when first shot strays. Now just think it, life a race. So what comes next, right away. Right away, right away. Ride away, ride away. Raise the curb, guilty drug. Come black cloud, cover the sky. Talk to people of your eyes. Sickness moves, can't deny. Looking through your mastermind. Feel mercy, man, cry. Yeah, I'm knowing it, you know what. Yeah, through mental evidence, I'll pretend, hold me, get crucified. Can't close this edge. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the safe? With a ski mask on my face. Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wrist, they watch been top off. Like in tropic manic cycles. Fire water burning Bibles. Wake up raging cold attacks. And take me to the nearest city. Sell out of me. Yeah, get at me. Make it quick or blood. I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head. Pierce the bone. I felt the breeze. Lift my thoughts up into bed. With a paper cup. Skeleton wing. No nothing since then. But seen been floating to the next. It's spreading dreams. But do you know? Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wristlet. Watch been top off. Got blood rush in my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wristlet watch been top off. Ben plus flyé que t'es flyé, les fesses m'emballotent sur le côté. J'suis ben plus parti que t'es parti, j'me shoot du Windex dans le châssis. Je suis bien plus stone que t'es stone, j'suis tout together all alone. J'suis bien plus ceci que cela, j'suis dans un taxi d'Arvida. Ça a pris du temps. Ça a pris pas mal de temps. C'était vraiment du work in progress. Hein, ouais. Parce qu'au départ, on ne pensait pas faire un album. Moi, je me suis mise à enregistrer comme ça, sans but. Et puis, de fil en aiguille, on a eu 6 morceaux, 8 morceaux. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un vrai album, finalement. Et on l'a sorti avec notre label d'une manière très indépendante. C'était un peu le but aussi, c'était vraiment de faire une chose un peu à part et qui m'appartienne et sur laquelle je ne pose aucune question. Et ce qui me plaît, c'est que sur ton Facebook, tu fais des concerts un peu partout avec ta guitare, quelquefois avec quelques musiciens. Oui, j'essaye de tourner le plus possible avec ce projet. Oui, ouais. Non. Entre autres à Paris, je t'ai vu 3 concerts. Et tu aimerais en faire un peu plus? Je le fais dès que j'en ai l'occasion. Ah, c'est ça, c'est moi, le temps. J'adore ça, hein, vraiment. Mais là, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup cherché ces derniers temps. OK. Puis je me suis concentrée aussi pour préparer le prochain. Ah, tu prépares un nouvel album? Je vais commencer là, cet été à enregistrer un nouvel album. Donc j'ai commencé à rassembler la matière, demander à plein de gens aussi de m'écrire des chansons. Ok. Ça sera un album de chansons originales. Ok. Et là, pour l'instant, il y a plus d'anglais que de français, mais ce sera en français, en anglais et en espagnol, en fait, un peu comme le premier, quoi. Voilà, et donc je commence à avoir pas mal de chansons à enregistrer, il faut que je m'y mette. J'attends avec impatience le break de l'été. un pour commencer. Pour l'été, ouais, les vacances que tu vas utiliser comme, comme enregistrement. À mettre, ouais, ouais. Mais alors avec un deuxième album, tu peux vraiment faire un concert complet d'une heure et demie. Oh oui, mais déjà, j'ai déjà largement de quoi faire au moins une heure et demie sur scène. Parce que si tu veux, en fait, voilà, c'était un peu le concept de faire des reprises détournées, disons. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très ouvert, parce que du coup, tu peux faire n'importe quoi, tu en fait. Tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ouais. Donc, en concert, on joue bien sûr l'album, mais on joue aussi beaucoup plus que l'album. On a un répertoire assez vaste, en fait. Et tu peux même... J'adapte aussi en fonction des formules, si on est en électrique ou en acoustique, ou si on est 2, 4 ou 6. Es-tu du genre à réciter de la poésie aussi à travers ce concert-là, ou tu t'attardes uniquement à la chanson? Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais bon, les chansons que je choisis, c'est de la poésie déjà à la base. C'est vrai que dans ce choix de chansons, il y a beaucoup de textes qui sont très poétiques. Est-ce que c'est la même troupe qu'on va retrouver sur l'album que tu fais actuellement, que tu travailles, sur lequel tu travailles actuellement? Ben, il y aura toujours Cheval Fou, Michel, mon très bon ami qui a réalisé avec moi le premier, avec qui j'ai envie de continuer à collaborer, bien sûr. Et puis, certains des musiciens qui ont joué sur l'album vont revenir, évidemment. Mais après, il y a aussi plein de gens nouveaux que j'ai rencontrés. À travers tes tournées. Depuis deux ans, là, j'ai rencontré plein de musiciens vraiment super. En sachant que aussi, en partie grâce à cet album. Oui, c'est ça. En sachant que tu allais en faire peut-être un autre, quelques adresses. Ouais. Donc voilà, puis j'ai... Voilà, j'ai eu envie aussi d'ouvrir à de nouvelles personnes, et puis des auteurs aussi. Alors ces gens-là, tu les as connus, les auteurs, toujours en faisant des tournées, en travaillant Oui, et puis, c'est, de toute façon, dans la musique, tout le monde se connaît. C'est un petit milieu. Il y a des niches comme ça, où finalement, c'est un peu des familles. Qu'on se reconnaît souvent. Donc, puis il y a des rencontres aussi, où parfois on rencontre des gens qu'on ne connaît pas du tout, puis on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Mais le monde est petit, hein, dans le milieu artistique. Ouais. Mais après, c'est parfois des connexions très étranges. Par exemple, des gens aussi que j'ai rencontrés par Internet, des musiciens. Parce qu'à travers Facebook, SoundCloud et tout ça, on fait c'est des bien, rencontres incroyables. Ouais. Et j'ai rencontré des musiciens à Los Angeles qui connaissaient d'autres musiciens à New York que j'avais rencontrés, et d'autres aussi au Canada, enfin des choses improbables, des connexions comme ça. Et c'est là que tu t'aperçois que finalement, dans la musique indépendante, tout le monde se connaît, vraiment. Oui, oui, puis surtout, on s'encourage, hein, parce qu'il n'y a pas la grosse administration ou le gros rouage. Donc, vous faites votre cuisine en famille. Bien sûr. Mais à New York, as-tu déjà travaillé à New York avec tes chansons? J'ai jamais travaillé là-bas, mais j'ai un très bon ami, Jonathan, qui est le chanteur de Mercury Rêve. OK. Qui vit à Woodstock, près de New York, et avec qui j'ai envie de collaborer depuis des années. Alors il y a eu plusieurs tentatives, et puis finalement ça n'a jamais abouti. Okay. Pas du tout de notre fait, hein, mais parce que les projets se sont pas faits, tout simplement. Et apparemment il m'a écrit quelque chose, alors je suis très impatiente puisqu'il arrive à Paris la semaine prochaine. Oh. On va commencer à travailler. Une chanson? Est-ce que tu as écrit des chansons? Il m'a écrit des chansons. Oh! Alors là, il va y avoir beaucoup de travail à venir. Donc on va voir ça. Oh. On va voir ça. Ouais. Du beau plaisir. J'ai un ami à Toronto aussi qui m'a écrit deux morceaux, j'adore. Ah. Chris Cummings. OK. Et puis Dorian Wood. Un ami à Los Angeles avec qui j'ai chanté déjà sur son album. Ok. Et qui est venu d'ailleurs tourner à Paris. C'était super. On a fait un concert ensemble il y a quelques mois. Ok. Et oui, c'est rigolo de voir les connexions qui se créent, et puis aussi l'attrait de l'Europe pour ces musiciens américains, parce qu'ils... Et vice versa, hein. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais c'est vrai que pour nous jouer aux États-Unis, c'est très compliqué parce qu'il y a les histoires de visa et tout ça coûte extrêmement cher. Ouais. Mais pour eux, c'est moins cher de venir ici? Ouais, je crois. Ouais. Ah, okay. Je crois. Il y en a beaucoup qui viennent organiser des tournées européennes. OK. Qui adorent ça, bien sûr. Et pendant ce temps-là, ils en profitent pour t'appeler, histoire d'aller faire quelques pièces ou... Éventuellement, ouais. Ou jouer de la guitare. Ou, c'est ça. Mais est-ce que ça te donne le goût d'en apprendre davantage sur les instruments de musique ou... Alors, tu sais, de toute façon, les instruments de musique... Il y a tellement à en apprendre. Oui. Il faudrait plus d'une vie pour, oui, ben oui, oui, pour cultiver ça. Moi, je suis un peu une dilettante musicalement, si tu veux. Je touche à tout, mais je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas très bonne guitariste ni pianiste, mais je me débrouille. Mais tu sais comment manipuler. Et pour l'instant, si tu veux, ça m'a suffi pour m'accompagner. Mais j'ai toujours des lacunes, beaucoup à apprendre, évidemment. Évidemment. Mais comme disait Gainsbourg, c'est de ses forces, non, c'est de ses faiblesses qu'on fait des forces. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et l'important, c'est d'avoir son style, c'est ouais. Pas forcément d'être son le univers. Meilleur. C'est vrai, son univers. Mais est-ce que tu vas toi-même écrire tes certaines pièces sur l'album à venir? Oui, bien sûr, bien okay. Sûr. Bien sûr. J'aimerais bien même écrire peut-être un jour du théâtre. Ok. Pour l'instant, j'ai pas commencé, mais. Alors, t'as plein de projets. J'ai très envie de ça, ouais. Alors, t'as plein de projets, plein de choses. J'ai plein de projets. Je suis en train de monter un spectacle solo aussi. J'ai commencé à la rentrée dernière, au mois de septembre dernier, j'ai monté un monologue de Cocteau qu'il avait écrit pour Piaf, qui s'appelle Le Bel Indifférent. Je ne sais okay. Pas si tu connais. Non. Qui est un super monologue. C'est une scène de couple dans une chambre d'hôtel après un concert. Et la fille... parle au garçon qui lit son journal et qui répond absolument jamais. Alors tu es seule sur scène ou presque, l'autre dit l'homme est muet, si tu veux. Est un accessoire. C'est un rôle muet, non, c'est pas du tout un accessoire. Mais pas loin. Et en fait, à la fin, on s'aperçoit qu'il dormait derrière son journal pendant une heure et donc il a absolument rien écouté de toutes les confessions qu'elle lui a fait. Mais elle, quand même, elle a vidé son sac, donc ça lui a fait peut-être exactement. Un peu de mieux. Et donc j'ai monté ce texte là, en septembre dernier, pour l'anniversaire de la mort de Piaf et Cocteau, puisqu'ils sont morts la même année, oui. Ce qui est d'ailleurs incroyable. C'était de grands amis. Oui, oui. Et j'ai eu envie d'en faire un spectacle musical à moi, en fait, en utilisant justement les chansons de mon album pour faire quelque chose sur la scène et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le show et l'after show, si tu veux. L'envers du décor. Voilà. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus et je vais m'y mettre aussi cet été. Repenser une version de ce spectacle avec de la musique. Où justement, le couple serait un couple de musiciens et on les verrait passer de la boîte à la chambre d'hôtel et faire ce cycle infernal des tournées où finalement, c'est toujours la même chose. On se réveille, on fait sa valise, on change d'hôtel et puis on recommence. Mais les gens ne voient d'après. Qu'un côté de la médaille. Exactement. Pas, le côté lumineux et non pas ouais. Le côté sombre. Ouais. Mais toi, tu connais ça, c'est ta vie depuis bah, bien sûr, oui. Non, mais tu as connu ton père devant non, c'est vrai, ouais. Les lumières et les moments les plus difficiles, les plus... Bien sûr. Et puisque c'est aussi que d'être itinérant, quoi. Dans tous les sens. C'est vrai qu'on oublie ça parfois chez les artistes, mais c'est très important dans notre vie, le fait d'être itinérant. Ah, tu trouves que oui? Bah oui. Ça déstabilise, ça... C'est très déstabilisant, ouais. Bien sûr. Et toi? On arrive à des moments où on ne sait plus dans quelle ville on est. Ouais. mais là, toi, tu es bien ancré à Paris depuis en même temps, moi, j'adore ça, hein, mais ouais. C'est vrai que ça peut l'être. Ouais. Ouais. Mais toi, tu l'as un peu moins depuis quelques années, là. Écoute, j'ai toujours ma base à Paris, bien ouais. Sûr, mais j'ai énormément tourné, en fait, les trois dernières années. Je suis partie en Italie. J'ai monté un projet avec un acteur italien qui s'appelle Stefano Accorsi. Ok. Et on a monté un duo sur un texte de l'Arioste qui s'appelle Orlando Furioso. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est très, très beau. C'est un poème du 15e siècle. Ok. C'est un poème épique. Il y a 5 tomes. C'est énorme. C'est un peu comme la Divine Comédie de Dante, si tu veux. Mais comment tu as pu arriver là-dessus? Par des liens absurdes, par le producteur avec qui j'avais travaillé, et par ce comédien qui, à l'époque, était avec Laetitia Casta et qui vivait à Paris, qui est donc un Italien à Paris. Et ils ont fait appel à moi parce qu'ils cherchaient une comédienne qui soit aussi musicienne. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, avec un metteur en scène italien, et le spectacle a énormément marché. On a fait plus de 150 dates en tournée en 2 ans. En Italie, donc que en italien et alors tu parles italien. Et dans toute l'Italie. J'avais commencé à apprendre l'italien avec mon père parce qu'on a joué souvent en Italie, donc à chaque fois on apprenait notre texte dans la langue du pays. Ça m'est arrivé souvent de jouer

Regarde le soleil, c'est merveilleux. Un air me galope dans la tête. La radio collée à mon oreille, je m'éclate. Wap do wap, super cool. Wap do wap do wap, super cool. Camion rouge du laitier, je flippe, je scie, je suis heureux comme un poisson et je m'éclate comme un Sénégalais en écoutant Blondie et Costello, les Bee Gees et la musique de Vincent Scotto, vachement planant. Champs-Élysées, je déambule, je drague à l'aise, keep cool, balèze, wow, do wow, wap, do wap, super cool, wap, do wap, super cool. Rejoindre les copains et les copines, leur demander si tout va bien dans leur blue jeans. Amour, te quiero, va bene. Écouter John qui joue de la guitare comme un dieu et embrasser les filles sur les yeux et sur leur wap do wap, super cool. Wap do wap do wap, super cool. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Different colors made of tears. c'était super intéressant. Et donc on a monté ça sous forme de monologue, en fait, en faisant tous les personnages, tous les deux. Mm-hmm. Et en même temps, moi, j'en ai composé la musique. Donc j'avais un piano, une guitare, quelques petits instruments, des choses pour faire des bruitages et tout ça. Et du coup, grâce à ce spectacle, maintenant je parle couramment italien. Mais l'italien actuel, pas l'italien. Bah oui, parce que bon, okay. À force de tourner, quand même, on l'apprend. J'ai été obligée de m'y installer pour quelques temps. J'avais loué un appartement à Rome pour les répétitions. Puis après, c'était superbe de voyager dans toute l'Italie. Et ça m'a quand même permis de roder un peu mon italien, heureusement. En plus, l'équipe était sicilienne. Donc ils ont un accent très particulier, il y avait des Napolitains et des Siciliens. C'était vraiment, je parle même le Napolitain. Mais la mort de ton père a été rapide et est-ce que le fait de vivre sans lui a été difficile ou au contraire tu t'es placé dans plein de projets pour oublier ou pour t'étourdir ou... Bon, tu sais, c'est de toute façon forcément très difficile. On était tellement liés tous les deux. On a tourné pendant des années ensemble. Mmh. On avait même monté un spectacle à deux. Sur Boris Vian aussi, hein, à un moment donné. Sur Boris Vian avec la troupe. Oui. Mais avant ça, on a fait un spectacle. On était que tous les deux, en fait, oui. Avec un groupe de musiciens qui s'appelait La vie d'artiste racontée à ma fille. On a tourné dans le monde entier, qu'on a joué pendant 6 ans. Donc on est partis 6 ans sur les routes, tous les deux, tu vois. Quand j'avais 25 ans. Et ça a été très difficile et lourd pour moi, mais en même temps passionnant. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans notre relation aussi de travail, d'échange artistique et tout ça. On a été tellement liés, et personnellement et dans notre travail, que c'est forcément, évidemment, un déchirement de l'avoir perdu. Mais après, m'étourdir, non, si tu veux. Évidemment, j'ai continué... avec encore plus de rage, peut-être, si tu veux, à monter mes projets. Mais en même temps, je n'ai pas cherché à m'étourdir. Je me suis plutôt plongée vraiment dans les problèmes concrets liés à sa disparition, c'est-à-dire... La bureaucratie. Voilà. Essayer de faire en sorte que certaines choses, en tout cas, puissent continuer sans lui. Ce qui était possible, en tout cas, on a essayé de le faire. Voilà. Et puis... c'est évidemment une source d'inspiration très forte. J'ai pensé à toutes sortes d'hommages et de choses que j'aurais pu faire. Pour l'instant, j'en ai pas eu envie, mais je pense attendre. Que je le ferai à un moment. Oui, mais là, c'est trop frais peut-être aussi. Oui, bien sûr. Il faut laisser les choses se tasser et partir peut-être dans d'autres directions pour mieux revenir peut-être te concentrer là-dessus. Là, tu es trop près du sujet. C'est ça, complètement, oui. Et puis en même temps, de toute façon, si tu veux, on est déjà dans une telle transmission avec ce qu'on a fait avec lui. On avait repris le flambeau bien avant qu'il disparaisse et ça continue. Tout ça se fait très naturellement finalement. Donc, y a pas de... Alors à chaque fois que vous créez quelque chose, vous le remettez au monde. Donc c'est jamais terminé. Bien sûr. Ouais, ouais. Et ma sœur, c'est pareil. Là, j'étais hier soir... voir le spectacle de ma sœur Manon qui a 5 ans moins que moi et qui a monté une mise en scène d'opéra de Don Giovanni. À Paris ? À Paris, au château de Vincennes. Ok. Et voilà, je reconnais totalement chez elle tout ce qu'on a pu apprendre et digérer, si tu veux, du travail de notre père. Ok. Et c'est super de voir que chacun fait son chemin comme ça avec cet héritage qui est tellement bordélique et en même temps super créatif, quoi. Mm-hmm. C'est sûr. Mais est-ce que vous avez l'intention, peut-être pas maintenant, parce que vous avez tellement de choses à faire à des endroits différents, de vous regrouper puis de partir, la famille, pour produire quelque chose? Bon, on le fait déjà, si tu veux. On a toujours travaillé comme ça. Okay. Vous vous croisez régulièrement? Ouais. On travaille tous les uns avec les autres, par moment, pas tout le temps, parce que chacun a son univers et des choses assez différentes, finalement. Mais moi, je... Par exemple, pour mon spectacle solo, je travaille avec ma sœur, tu vois. Donc, il y a des évidences, quand même. Mais oui, mais c'est la famille, hein. S'il n'y a pas beaucoup de discours à tenir, on se comprend rapidement, il y a des... Après, c'est la famille, et puis c'est la famille élargie aussi, parce que l'équipe, Bah, c'est aussi la petite famille. Hein. L'équipe avec laquelle moi je travaille pour ma musique, par exemple, c'est vraiment des très très chers amis quoi, que je connais depuis 15-20 ans parfois. Mm-hmm. Donc c'est pas vraiment la famille, mais presque. C'est aussi la famille qu'on se crée. Hein. Ah, oui, oui, je crois oui, que oui. Dans le milieu artistique, c'est très important. C'est vrai, oui, c'est des liens. D'être entouré de gens qu'on aime et qui nous soutiennent, quoi qu'il arrive. Quoi. Et surtout qui nous connaissent. Bien sûr. Il y a des gens qui, juste du regard, peuvent savoir s'il y a des problèmes. Et peut-être ça peut remplacer, sans trop le remplacer, la vraie famille. Complètement, bien sûr. Ben, c'est le principe d'une équipe. Moi, j'adore les équipes, quoi, les vraies équipes. Aimerais-tu, à un moment donné, travailler tout seul? Oh bah, je le fais beaucoup. Hein. Ouais. On est tous, de par la réalité économique, amenés à travailler seuls. Oui, ouais, mais c'est après que d'autres personnes se grèvent. Mais à l'origine, on est... Exactement. Ouais. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a aucune règle. Il ne faut pas s'enfermer dans un modèle. Travailler seul, ça peut être merveilleux, mais aussi extrêmement frustrant à la longue, comme travailler en équipe peut l'être aussi. Oh, oui. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre et puis de faire des rencontres, hein, surtout. C'est les rencontres quand même qui sont les plus importantes et qui nous motivent. Oh oui, puis qui nous construisent aussi. Ah oui, bien sûr. Excusez, elle avait demandé un croissant, je crois. Ah oui, elle avait demandé un thé, un croissant et un café. Attendez, un thé, un express, un croissant. De toute façon, c'est le dernier. C'est ça, là. Ça, oui. On vous a totalement oublié. Merci. Heureusement. Un thé, un express, un croissant. Et toi, aujourd'hui, tu fais plein de choses avant de rentrer en studio pour ton album. Moi je rentre pas en studio, j'ai un studio, plusieurs studios à la maison en fait. Okay. Je travaille aussi, je vis aussi avec un musicien qui lui-même compose, réalise, qui a son studio. On en chez a aussi un chez nous. On a tous les instruments pour jouer à la cave. Mon ami Cheval Fou a lui aussi dans sa maison construit un superbe studio professionnel. Voilà. Et donc, bon, finalement, aujourd'hui, la question n'est plus tellement de trouver le studio, mais... Le temps. Le temps et l'inspiration, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Mais en habitant avec un musicien, l'inspiration vient à chaque seconde. Ah, c'est sûr que ça facilite. Oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu travailles souvent avec ton copain? Écoute, de plus en plus... Là, on a très envie, en tout cas, de travailler ensemble. On a déjà collaboré sur quelques projets, mais je pense que pour mon album, on va travailler encore beaucoup plus ensemble. Et puis, je participe aussi au sien. C'est à normal. Ses albums, hein. À ses projets. On s'influence toujours les uns et les autres. Désolé pour le retard, vraiment. Aucun problème. On était pris dans la discussion. On a nous-mêmes oublié. Merci. Ah, merci monsieur. Pour le thé, je la mets loin du micro, ouais, pas super. Faire de bêtises. Pas de problème. S'il vous plaît. Alors. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, oui, est-ce que tu collabores souvent au projet de ton copain en faisant des voix, en rajoutant. Oui, bien sûr. Bah, là déjà on joue ensemble sur scène aussi. Et puis je... On a. En général, naturellement, l'instinct de faire appel l'un à l'autre, c'est des choses sur lesquelles on peut s'aider, évidemment. Puis surtout que toi, tu connais les forces de ton copain et vice-versa. Bien sûr, bien sûr. Et lui, en étant musicien, a des rencontres aussi avec plusieurs musiciens. Donc, ah oui, mais moi, j'ai une copine qui... Bon, bien donc, sûr, c'est comme ça. De toute façon, après, lui, il a tout un réseau de musiciens super aussi avec lesquels il travaille. Donc c'est toujours des rencontres un peu croisées comme ça. Oui. Et c'est comme ça que les projets se montent et que les... Bah ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est... Et tu fais autant de théâtre que de littérature, que de musique, que... Ça dépend des moments, en fait, mais oui, oui, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai fait quand même beaucoup plus de théâtre, mais en même temps, beaucoup de théâtre musical, donc c'est toujours lié, si tu veux. Et là, depuis quelques années, je mets un peu plus l'accent sur mon projet musical personnel, Donc, disons que ça s'équilibre. OK. Voilà. Et là, la concentration, cet été, c'est le deuxième album. C'est l'album et le spectacle, les deux. Ouais. Le spectacle de... Mon projet solo, du Bel Indifférent. OK, oui. Ouais. OK. Ouais. Ben, écoute, on va manger tranquillement. Alors, je te remercie pour la deuxième rencontre qui s'est faite, quoi, entre 3 ans plus tard. Bah oui, écoute, c'est bien, on entretient le lien. Puis, ben oui, mais c'est oui, exactement. Il faut rester en contact. Il se passe tellement de choses dans le milieu artistique et surtout dans ton monde qu'à chaque fois, c'est des rencontres intéressantes et enrichissantes. Bah écoute. Ben merci. Merci à toi. Salut, bye. Parce que je sais que c'est bien emmerdant de manger en parlant. Ah, ben ça, c'est sûr. Ouais, donc. Le seul qui fait ça avec brio, c'est Jean-Pierre Coffre. Ouais, il faut savoir le faire. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un style. Hein. Parler la bouche pleine. Oui, oui, mais lui, je sais pas, mais ça lui va bien. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. You killed my brother last winter. You shot him 3 times in the back in the night. I still hear mama weeping. Oh, mama still dresses in black. I looked at every fiesta for you. I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. You look like my brother. Mama loved him the best. He was head honcho with the ladies. Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They couldn't believe what they saw. I said it was you that had killed him, and that I'd find you and upstand the law. The people of the village believed me. Mama, she wanted revenge. I told her that I'd see that she was honored. I'd find you and put you to death. on this such a joyous day. I tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.